enfin comprendre pourquoi mes trahisons n'ont plus rien à m'apprendre. Si je suis aussi con de me faire du mouron, c'est qu'à travers autrui je veux sauver ma vie. Je souhaite qu'avec les gaz que j'écris pour tous, pour rien, je ne dicte enfin ce qui sera mon épitaphe. M'insulter du tac au tac, c'est parce que bien qu'échaudé, je me cherche encore de la pitié. Si je n'ai rien pu prouver, c'est que la rudesse de mon trait n'est valable que pour ceux qui avec eux-mêmes sont odieux. Assez fou.